L'Agence Séraphique Centrale de Corée a publié le 6 courant le livre blanc titré « L'effondrement des États-Unis est fatal ». Le livre blanc indique qu'aujourd'hui, les États-Unis sont au seuil de l'effondrement dans la pire crise de l'histoire. Obama, qui avait pris la place à la Maison-Blanche environ 8 ans auparavant, en tant que 44e président, en prétendant de rétablir le leadership américain en phase de déclin à l'échelle mondiale, salue les derniers moments de son retour. Bien qu'il avait fanfaronné un grand changement américain en essuyant la poussière de l'histoire, le pouvoir d'Obama s'est marginalisé en écume de l'époque en laissant le déshonneur de pouvoir en échec total et le patrimoine de l'effondrement américain. Le livre blanc dénonce en détail la défaite générale du pouvoir d'Obama qui s'était opposé au courant de l'époque d'indépendance et le profil en ruine des États-Unis qui s'ensuit.